Actu SF, les podcasts. On a le plaisir d'accueillir à nouveau aujourd'hui Audrey Thuayon, qui est intervenue ce matin dans un format table ronde, mais qui va revenir du coup là plus spécifiquement aujourd'hui sur un sujet qui est très présent. Ce week-end, hein, pendant ce festival aux Imaginales, qui est celui de la reconstitution historique avec une approche sociologique, puisque Audrey est docteur en sociologie, maître de conférence à l'université de Franche-Comté en STAPS, hein, donc en sport pour les non-initiés au langage universitaire. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que la question de la reconstitution peut avoir des prolongements aussi en lien avec cette question de la pratique sportive. Audrey, on t'écoute avec grand plaisir. Moi, je vais m'absenter deux instants et je reviens. Voilà. Et je vous souhaite un bon échange et des bonnes questions en deuxième partie d'intervention, hein, puisque je vous rappelle le principe, un lancement, un certain nombre d'éléments et puis ensuite un échange. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi je suis sociologue, donc je vais vous faire une présentation de la reconstitution historique du point de vue de la sociologie, c'est-à-dire que ce n'est pas une approche historique, hein, donc l'idée c'est pas d'aller savoir si c'est authentique, fidèle, etc. C'est plutôt d'essayer de comprendre un loisir contemporain. Et donc, je voulais commencer avec cette diapositive, simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, on a un intérêt marqué, évidemment, pour le Moyen-Âge, notamment parce que celui-ci est présent dans les médias, dans les films, la littérature, voilà, Justine en parle très bien, dans les mythologies contemporaines, ça c'est Laurent qui en parle très bien, mais aussi finalement à travers une expérience vécue, c'est-à-dire à travers la mise en vie, la mise en corps du Moyen-Âge, et notamment, et au début surtout, dans les fêtes médiévales, qu'on qualifie de fêtes médiévales, alors on pourra y revenir. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de montrer la différence avec les fêtes médiévales, puisque la plus grande fête médiévale de France, qui est donc à Provins, finalement présente un Moyen-Âge qui est plutôt un Moyen-Âge imaginaire, un Moyen-Âge de contes de fées, entre guillemets, sur le temps lequel on peut voir des elfes, des Pères Noël, etc. Et donc finalement, ça questionne un petit peu sur ce que ça dit du passé et donc de l'imaginaire du Moyen-Âge. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer qu'on a quand même ce Moyen-Âge qui est vécu, qui est incorporé, qui est mis en scène parfois, et qui est évoqué à travers notamment un imaginaire. Sauf que, moi je ne m'intéresse pas aux fêtes médiévales, enfin pas directement, je m'intéresse plutôt à d'autres formes d'exposition et de présentation de l'histoire, notamment l'histoire vivante. Donc l'histoire vivante, c'est une mise en vie corporelle et matérielle d'un passé révolu, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des reconstitutions d'objets, et ces mêmes objets sont ensuite utilisés corporellement, physiquement, etc. par les pratiquants. Et donc l'idée, c'est en s'appuyant sur des traces laissées par le passé, donc des sources dites primaires, des enluminures, etc., des gisants, des sagas, enfin tout ce qu'on veut, tout ce que le passé a pu laisser de traces, reconstituer finalement la culture matérielle. Et donc, dans mes travaux de thèse, j'ai essayé de montrer finalement que l'histoire vivante pouvait être divisée en plusieurs activités. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y a très peu d'études en sciences sociales, très largement, pas que en sociologie, mais très peu d'études en sciences sociales, qui s'intéressent à l'histoire vivante. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait un petit peu ce matin, c'est pas considéré comme un objet légitime à l'université. C'est pas tellement légitime pour la sociologie, parce que c'est la sociologie des loisirs, il y a quand même vachement plus important dans le monde que les loisirs, voilà. Et c'est pas tellement légitime pour l'histoire, parce que pour les historiens, finalement, l'histoire vivante, c'est pas la préhistoire. Donc en fait, c'est tout un travail qui a dû être fait, et l'histoire vivante en France est finalement, alors maintenant ça va mieux, mais était finalement peu connue, et c'est plutôt une tradition qui nous vient des pays anglo-saxons notamment, donc avec la living history qu'on a pris en français sous la forme d'histoire vivante. Et donc c'était pas évident de définir ce qu'était l'histoire vivante, notamment parce que dans les pays anglo-saxons, l'histoire vivante est associée à l'idée du role-play, à l'idée de jouer un rôle, sauf qu'en français, role-play, jouer un rôle, c'est lié au jeu de rôle. Et il se trouve que les reconstituteurs mettent justement un point d'honneur à dire « Mais non, on ne joue pas un rôle, on ne fait pas du jeu de rôle. » On en fait par ailleurs, je vais y revenir, mais ça, ce n'est pas du jeu de rôle. Et donc, il y avait toute cette ambiguïté autour de la définition même de ce qu'est l'histoire vivante en France, sur laquelle finalement les pratiquants d'histoire vivante ne sont pas forcément encore d'accord aujourd'hui, même si ça commence à faire un petit peu consensus. Donc, je me suis un petit peu égarée. Donc, le premier axe, c'est donc la reconstitution historique. Donc, l'idée, très rapidement, la reconstitution historique, vous connaissez tous ce que c'est, j'imagine, il y en a plein là, donc voilà, mais c'est d'aller représenter une personne qui a pu ou non exister, alors souvent non, à travers des expérimentations matérielles et corporelles. Donc, c'est faire l'expérience d'un quotidien révolu, et on a de la reconstitution sur toutes les époques, hein, de la préhistoire jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la deuxième facette de l'histoire vivante, ce sont les arts martiaux historiques européens. Donc aussi appelé AMHE, on en a déjà parlé un petit peu ces deux jours-ci. C'est une pratique physique et culturelle qui cherche à retrouver des gestes techniques et des savoir-faire martiaux historiquement situés. Et donc là, on n'est plus sur le modèle d'une pratique sportive et culturelle, mais vous voyez que... non, vous ne voyez pas parce que je n'ai pas passé, voilà, là vous voyez mieux. on part du passé pour arriver au présent, et quand on regarde l'image à votre droite, on voit bien qu'on est sur le modèle d'une pratique sportive, physique, et que finalement le vêtement, le costume n'a rien à voir avec ceux du Moyen-Âge. L'idée là, c'est plutôt d'aller retrouver des gestes techniques, martiaux, donc c'est faire l'expérience d'un geste, c'est pas faire l'expérience d'un costume, etc., même si on a aussi des AMHE en costume, en fait les frontières sont poreuses. Voilà. Et donc le troisième élément que j'ai inclus dans la définition de l'histoire vivante sur lequel je vais passer rapidement mais qui est important quand même, c'est tout un ensemble d'actions de médiation culturelle et historique qui prend place notamment au cœur des parcs archéologiques. Alors pas que, mais notamment, et ça me semblait important de ne pas oublier cette facette-là où on va reconstituer des bâtis, en fait, et l'idée c'est pas forcément d'être en costume non plus, là je vous ai mis des photos, on fait un toit de chaume, il n'y a pas besoin d'être en costume pour faire un toit de chaume, mais ça fait partie, comme les arts martiaux, de la reconstitution du geste. Donc voilà, alors, cela étant, donc après cette brève présentation, moi en tant que sociologue, je me suis intéressée à la manière dont on mettait en vie le Moyen-Âge. Et on se rend compte que finalement, l'histoire vivante, l'idée, c'est pas tant de vivre comme au Moyen-Âge, parce que c'est impossible, mais de vivre ponctuellement dans un Moyen-Âge reconstruit, réinventé, si possible, le plus proche possible des sources historiques. Donc c'est un Moyen-Âge qui n'est pas lié à la fiction, donc pour la reconstitution historique et enfin pour tous les autres aussi. Et le problème, c'est que finalement, on se rend compte que comment est-ce qu'on peut mettre en vie le passé? C'est un peu un paradoxe, hein, quand on parle comme ça. Et donc, voilà, l'idée, c'était d'aller saisir la manière dont la reconstitution historique peut être appréhendée par la sociologie. Qu'est-ce qu'on apprend finalement quand on est sociologue et qu'on va voir ce qui se passe sur un campement de reconstitution historique, puisque je vous parlais aujourd'hui que de reconstitution et pas des arts martiaux historiques européens. Et plus précisément, ces derniers temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de comprendre comment on résout ce paradoxe finalement, comment ce retour dans le passé témoigne aussi d'une conception du temps spécifique. Qu'est-ce que la reconstitution historique nous dit des imaginaires du temps? Alors, juste très, très rapidement, parce que il faut quand même comprendre que ça semble un peu bateau, parce que le temps, on en a parlé ce matin, mais le temps il passe, voilà, on ne peut pas lutter contre le passage du temps. Donc on dit, bah oui, mais le temps, c'est le temps, voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le temps, à part les physiciens, qu'est-ce qu'un sociologue peut dire sur le temps? Alors du point de vue des sciences sociales, le temps, il n'est pas uniforme, en fait. Il n'est pas unique, et on voit apparaître des temporalités qui sont finalement des conceptions collectives du temps, qui sont différentes, notamment en fonction des groupes sociaux, c'est-à-dire que nous, dans notre société, on a une conception du temps linéaire, donc on va vers le progrès, on parle aussi d'une accélération, voilà, on n'a jamais le temps de rien faire, c'est assez propre de nos sociétés contemporaines. On a d'autres sociétés dans lesquelles le temps est plutôt conçu selon un ordre cyclique. On l'a aussi dans nos sociétés, c'est le temps des anniversaires, ça revient tous les ans, c'est le temps des imaginales, ça revient tous les ans, etc. etc. Donc on a ces deux, on a plusieurs temporalités qui s'enchevêtrent, mais il faut savoir, voilà, que dans nos sociétés contemporaines occidentales, le modèle temporel, c'est celui de la ligne, du progrès, etc. etc. Et il se trouve que certains espaces de loisirs, dont la reconstitution historique, proposent finalement un autre rapport au temps qui va abolir cette distinction entre passé, présent et futur. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment on peut expérimenter le passé au présent et comment la reconstitution permet de brouiller l'ordre temporel du quotidien. Alors, pour ce faire, très rapidement, pour que vous compreniez, c'est pas de la philosophie, c'est-à-dire que là, comment on arrive à saisir le rapport au temps, c'est en allant voir les acteurs. En faisant des entretiens avec eux, en essayant de comprendre comment eux en parlent, comment les reconstituteurs parlent du temps, comment ils parlent de leurs loisirs, etc. Donc en termes de méthodologie, moi j'ai fait des entretiens avec les reconstituteurs, des questionnaires et des observations participantes, c'est-à-dire que je suis moi aussi reconstitutrice, ce qui permet d'avoir accès finalement à autre chose, à l'envers du décor, voilà, pour le dire un petit peu rapidement. Alors, petit point sur qui sont les reconstituteurs quand même, ça donne une idée, donc c'est des chiffres, moi je ne suis pas très fan des chiffres, je travaille plutôt avec des entretiens et des observations, mais c'est important qu'on ait quand même une idée. Alors, la reconstitution, elle repose sur une communauté restreinte, c'est-à-dire qu'on est sur un loisir plutôt communautaire, qui finalement, les reconstituteurs se connaissent beaucoup, alors pas tous, mais ils se connaissent quand même beaucoup, il y a un principe d'interconnaissance. Et je vais principalement parler là, évidemment, de la reconstitution médiévale. Et donc, on est quand même sur une identité partagée. Les reconstituteurs se retrouvent autour de valeurs communes, notamment la défense d'un patrimoine historique, matériel, un attachement, une volonté de transmission du passé, etc. etc. Et évidemment, on a aussi des normes qui sont édictées par les reconstituteurs vis-à-vis d'autres activités. Si vous faites de la reconstitution, vous ne faites pas de l'évocation. Si vous faites des AMHE, vous ne faites pas du BEUR, etc., etc. Ça, c'est toute une question autour de l'identité de la pratique. Alors, en ce qui concerne le profil des reconstituteurs, on a 90% de reconstituteurs loisirs. Donc, il y a quelques professionnels, mais en fait, pas tant que ça, qui en vivent. Donc, quand ils en vivent, ils peuvent être artisans, professionnels du spectacle, etc. On est quand même sur un loisir majoritairement masculin, même si c'est un loisir qui se fait aussi en famille, une moyenne d'âge autour d'une trentaine d'années. Voilà, ça c'est très, en termes de chiffres, voilà, ce qu'on vous donne une idée. Après, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a quand même les motivations qui ressortent principalement sont une recherche de convivialité, c'est l'idée de la communauté, et de transmission, de transmettre le passé autrement. Et évidemment, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, enfin, évidemment, non pas forcément, mais on a quand même près de la moitié des reconstituteurs qui ont fait ou qui font du jeu de rôle. Donc on a des liens très très forts avec le milieu de la fantasy, du roleplay, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et souvent, il y a cette idée de dire, bah oui, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai fait du GN, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus historique. Et du coup, bah, quitte à, plutôt que de faire du GN historique, bah, je vais aller dans la reconstitution pour aller plus loin dans la démarche historique. Alors, comment on produit ensuite cette reconstitution? L'idée, il faut bien comprendre qu'il y a un autre mode de vie qui est recherché, le temps d'un week-end. Donc dans une optique d'immersion, l'idée c'est voilà, de s'immerger, de s'évader dans le passé. Et ça se fait à partir de la matérialité, donc à partir des objets, les vêtements, les armes, l'alimentation, facilite le passage du monde contemporain au monde historique. Et donc il y a vraiment un dépaysement qui est à la fois sensoriel et corporel qui se met en place. Et l'idée c'est de partir au Moyen-Âge. Comme les gens partent en vacances, et ben les reconstituteurs partent au Moyen-Âge. C'est exactement la même logique. C'est pas du tout c'était mieux avant ou je veux jamais revenir dans le présent. C'est pas ça du tout. C'est l'idée de l'évasion sur un temps assez restreint. Ensuite, ces objets sont utilisés à travers des expérimentations. Donc l'idée, c'est de s'approprier des savoir-faire et de savoir mobiliser. Utiliser, par exemple, un pot de cuisson, comment on cuit dans un pot en céramique au coin du feu, comment on marche avec des chaussures sans semelles, etc. etc. Donc on voit que tout ça, sans semelles rigides, on voit que tout ça, ça a des conséquences finalement sur la corporalité, on marche plus pareil, on mange plus pareil, etc. etc. On vit plus pareil non plus, on vit aussi au rythme du soleil, donc sur le rapport au temps, on a tout un tas d'éléments qui arrivent et qui permettent finalement cette évasion. Alors, cette... Donc on a cette idée que l'immersion elle se fabrique par les sens. Donc c'est ce que je vous ai dit, le goût, l'odorat, il y a vraiment tous les sens qui rentrent en jeu. Et on a finalement aussi deux grandes modalités d'immersion dans le passé. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu que finalement les reconstituteurs vont rechercher deux éléments distincts mais complémentaires. Donc la première forme d'immersion dans le passé, c'est autour tout ce qui se passe autour des savoir-faire et de l'artisanat. Donc on va fabriquer son costume, on va faire de la céramique, faire de la poterie, on va faire de la forge, on va faire de la couture, on va faire des galons, etc., etc. Il y a toute cette idée de reconstituer finalement le quotidien de l'époque à travers l'artisanat et les savoir-faire. Et puis il y a une deuxième modalité d'immersion qui est un peu à part, il me semble, dans la reconstitution, qui est le combat. Donc on n'est pas sur les AMHE, on est vraiment sur le combat en reconstitution. Même si parfois on a des AMHE en reconstitution, c'est un peu poreux, mais pas tant que ça quand même. Et donc l'idée du combat, c'est l'affrontement de combattants armés les uns contre les autres, sous forme de joute, de combats qui opposent deux armées ou deux reconstituteurs, etc. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que ces combats sont des moments de jeu ritualisés. C'est-à-dire que le combat en reconstitution, c'est souvent un spectacle, il a lieu à heure fixe. Les reconstituteurs vont s'habiller pour le combat, etc., etc. Donc on voit finalement que là, on a une expérience ludique qui apparaît et qui est très souvent détachée des sources archéologiques. Et ça, c'est un espèce de paradoxe, si vous voulez, où dans la vie quotidienne, on va avoir les reconstituteurs qui vont faire très attention, avoir des discussions autour de « est-ce que ma couture qui est faite à la machine, elle se voit ou elle se voit pas ? Est-ce que mon bouton de manchette, il est bien du 15e siècle et pas de la fin du 16e ? » Enfin bon, bref, n'importe. Et alors que dans le combat, en fait, tout d'un coup, ce rapport à l'histoire, cet intérêt pour les sources disparaît. Alors disparaît tout simplement parce que le but, c'est pas de tuer son petit copain, donc du coup, on va éviter les coups d'estoc. Sauf que ben oui, mais avec une épée, le but, c'est d'aller tuer l'autre, hein. Sinon ça sert pas à grand chose, mais et du coup en fait on a tout un enjeu sécuritaire déjà de base et aussi qui empêche si vous voulez le rapport forcément historique. Donc il y a un ensemble de règles qui font que tout d'un coup le combat on se détache assez progressivement des sources et du rapport de proximité avec les sources. Alors voilà ce que je voulais, donc ça c'est pour vous présenter un peu comment fonctionne la reconstitution, bien comprendre qu'on est dans un temps festif d'immersion etc. Et finalement que cette reconstitution permet aussi de construire un nouveau temps. Un nouveau temps, c'est ce que je vous disais, un temps qui est dans le temps linéaire dans lequel on vit tous aujourd'hui, mais qui est un autre temps finalement qui est reconstruit au cours d'un week-end de reconstitution. Alors, on a déjà le temps, je vais commencer par le plus simple, hein, le temps présent, donc qui est celui du loisir, qui est celui du moment de l'événement, un week-end de reconstitution. Et où celui-ci, finalement, ce week-end de reconstitution, c'est un peu comme des vacances, hein, il se situe dans un interstice entre la quotidienneté contemporaine et le passé médiéval. Évidemment, on n'est pas au Moyen-Âge, mais on n'est plus tout à fait dans le quotidien, dans le tous les jours. Et donc on a cet espace-temps interstitiel qui est aussi entre le jeu et l'histoire. On reconstitue d'après les sources, mais c'est quand même du jeu parce que ça reste un loisir, etc. Et donc on a cette fabrique de l'interstice qui se fait grâce à l'immersion, qui est encadré par des rituels d'entrée dans le passé reconstitué. Par exemple, dès que les reconstituteurs se mettent en costume, c'est le début du week-end et de l'évasion au Moyen-Âge. On fait disparaître les voitures, on fait disparaître les objets contemporains, donc les téléphones, plus ou moins. En tout cas, on ne les montre plus à la vue, les cigarettes, le café, etc. etc. Et donc, il y a cette idée voilà, d'avoir un temps, un rituel d'entrée, finalement, dans le passé. Et ce rituel d'entrée, il est aussi mobilisé parce que les reconstituteurs travaillent beaucoup à partir du do-it-yourself, donc le fait de faire soi-même, de bricoler finalement. Il y a une dimension très créative dans la reconstitution, on va faire son propre costume, on va apprendre à coudre, on va apprendre à faire la poterie. Donc c'est lié avec ce que je vous présentais juste avant sur les artisanats et qui permettent l'immersion. Et donc il y a cette idée aussi de partage dans la communauté, j'ai fait quelque chose, je te montre comment ça marche et puis t'as qu'à le faire toi-même. Voilà, donc cette idée du do-it-yourself. Alors évidemment, il y a des degrés do it yourself, tout le monde ne fait pas tout parce que tout le monde ne peut pas s'improviser forgeron, par exemple, et faire une épée, mais il y a vraiment cette idée de tester, en fait, de faire un petit peu du touche à tout. Ensuite, on a un temps ludique dont je parlais tout à l'heure, donc c'est cette idée du jeu, hein. Les rassemblements de reconstitution sont quand même des temps dans lesquels les pratiquants recherchent le fun. Il y a quand même cette idée-là assez flagrante, c'est l'idée de se faire plaisir, l'idée du plaisir elle est fondamentale, et c'est l'idée finalement d'avoir une certaine déprise par rapport au quotidien et donc de pouvoir finalement profiter de ces événements-là parce que c'est aussi une pratique qui se fait entre amis. Donc c'est l'idée de retrouver des copains qu'on n'a pas vus depuis un an, mais c'est pas grave, c'est comme si on les avait vus la veille en fait. Voilà, il y a cette idée du temps ludique, et puis quand même c'est lié évidemment, le temps festif, donc on est quand même sur un temps de fête. Parce que c'est pas si fréquent finalement des week-ends de reconstitution, hein, les reconstituteurs sont pas en costume tous les week-ends de toute l'année, donc c'est plutôt un temps estival déjà, et il y a cette idée de dire, ben voilà, le déplacement au Moyen-Âge, c'est finalement un temps de délassement, un temps de relâchement dans lequel la dimension festive et conviviale, hein, j'ai dit c'est important, permet une rupture avec le quotidien. Donc on est vraiment sur des moments festifs qui rappellent par certains côtés la dimension carnavalesque. Alors attention, c'est pas carnaval au sens du déguisement, parce que les reconstituteurs ne se déguisent pas, c'est carnaval dans le sens historique, scientifique, entre guillemets, du terme, c'est la fête à l'envers. C'est l'idée d'inverser le monde pour un temps, donc c'est pas du tout lié au costume ou au déguisement, c'est vraiment l'idée d'avoir une fête du temps. Carnaval, c'est la fête du temps, elle n'est pas seulement tournée vers le passé, elle est aussi tournée vers l'avenir. Et carnaval, c'est aussi une manière de présenter... présenter des festivités non officielles. Le carnaval, c'est la fête qui n'est pas officielle. Et en fait, la reconstitution, les événements de reconstitution ne sont pas notamment des commémorations. On n'est pas sur la commémoration. La commémoration serait la fête officielle et la reconstitution, le carnaval, entre guillemets, de la fête officielle. Mais c'est vraiment dans ce sens de fête du temps. Alors, on a ensuite le temps du passé. Alors, assez facilement, effectivement, le temps du passé, c'est celui du Moyen-Âge. Cette idée de vouloir aussi présenter l'histoire autrement, alors je vous ai mis un extrait d'entretien, il y a vraiment cette idée de faire sortir l'histoire des musées, de ne pas la présenter telle qu'elle est dans les musées, mais de la rendre vivante, et de proposer d'autres formes d'accès au passé, et notamment de faire tomber les clichés qui sont habituellement véhiculés autour du Moyen-Âge, une épée pèse 10 kilos, une armure, on ne peut pas se déplacer avec, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a cette idée aussi donc que les objets sont des médiateurs du passé, et c'est vraiment, je reviens sur cette idée des objets, hein, les objets sont des supports mémoriels. Ils permettent de faire la transition aussi entre le patrimoine et l'expérience festive du loisir. Et on a également une filiation symbolique qui est assez nette, réalisée liée à l'ancestralité. C'est-à-dire que dans les discours, il y a souvent retrouver des éléments du passé, retrouver ce que faisaient nos ancêtres, etc., etc. Et donc il y a cette idée finalement de s'appuyer sur une authenticité, de faire une filiation finalement qui humanise le présent. Parce qu'on parle des ancêtres, alors médiévaux, vous imaginez bien qu'il n'y a pas beaucoup de reconstituteurs qui retrouvent leurs ancêtres médiévaux, mais il y a quand même cette idée de, ben voilà, on est dans une continuité et ça permet finalement d'assurer une certaine authenticité à ce qu'on fait. Alors évidemment, personne n'est dupe, hein, tout le monde sait bien qu'il y a des limites et qu'on est aussi sur un passé inventé, puisqu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, et notamment la question de l'habitat, hein, les reconstitutions se font principalement sous tente, évidemment. Les médiévaux n'habitaient pas sous tente, mais il n'y a pas assez de parc archéologique pour permettre des événements plus longs, ce qui changerait aussi, on sortirait du cadre du loisir. Donc voilà, donc ça c'est pour le temps du passé, alors c'est le passé lointain, et on a aussi finalement un passé qui est plus proche, qui est celui de l'enfance ou de la jeunesse. Alors là l'idée, encore une fois, c'est pas un retour en arrière, c'est pas une volonté de fuir ses responsabilités, c'est plutôt une volonté d'avoir une évasion temporelle dans le monde de l'enfance. Donc déjà d'être hors du temps, de se situer hors du temps, de dire, ben voilà, on est dans une bulle, finalement, la reconstitution, c'est une bulle, on est hors du temps, etc. Et puis, il y a aussi ce rapport à l'enfance, d'avoir un espace de liberté, finalement, de retrouver les jeux de l'enfance, et notamment lié au combat. Beaucoup, beaucoup de reconstituteurs disent, mais voilà, on joue comme quand on était petit, on jouait avec un bâton, moi je rêvais d'être chevalier, et du coup, bah, la reconstitution, c'est la suite logique de ça, on est des grands enfants, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée d'une enfance valorisée, c'est finalement un espace de liberté dans lequel on peut s'exprimer. Et donc la mise en vie, finalement, du passé permet aux reconstituteurs de se remémorer des intérêts qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes, de les réactualiser, finalement, et de les expérimenter physiquement. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, avec la démarche d'histoire vivante, le passage d'un rêve et d'une pratique enfantine à un loisir contemporain d'adulte. Et puis enfin, le dernier temps qu'on a dans la reconstitution historique, paradoxalement, c'est quand même l'avenir. Et alors cet avenir est double en reconstitution. Il est à la fois plutôt, alors j'ai appelé ça mélancolique, mais c'est cette idée de se dire que finalement le passé, l'avenir, pardon, n'est pas très joyeux quand même. Il y a quand même une certaine forme d'angoisse qui est latente dans les discours. De dire, ben voilà, finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer demain, avec les problématiques écologiques qui reviennent régulièrement dans les discours, et de dire, ben finalement, la reconstitution, c'est aussi une manière de donner du sens au présent, et de se dire, ben peut-être que demain n'est pas certain, du coup, on va en profiter aujourd'hui, et on va prendre le temps. Il y a cette idée de prendre le temps, de se dire qu'on est dans une société qui va trop vite, et en reconstitution, on prend le temps. Et j'avais mis l'exemple de Nulla Futurae. Alors pardon s'il y a des latinistes dans la salle, parce que je crois que c'est absolument pas correct, mais ça ne vient pas de moi, j'aurais pas fait mieux, mais c'était l'idée, c'est la petite anecdote en fait, c'était dans un rassemblement et les reconstituteurs parlaient entre eux des catastrophes écologiques, etc. Et puis à un moment donné, quelqu'un a dit « Non mais de toute façon, on n'a pas d'avenir, donc on reconstitue le passé ». Et il y avait cette référence, puis en même temps, paradoxalement, ils cherchaient un nom pour cet événement. Et ils se sont dit, ah bah oui, mais on n'a pas d'avenir, cool, de toute façon c'est nos futurs. Donc le slogan punk, ou aussi des accointances entre les différentes pratiques alternatives, c'est nos futurs. Bah, comment on pourrait mettre ça en latin? Parce que bon, on pourrait discuter de du coup ça fait plus authentique en latin. Et du coup, bah, voilà, c'est devenu Nulla Futurae. Donc Justine me dira peut-être quelle est la bonne déclinaison en latin. Mais en tout cas, c'était cette idée-là. Pour voilà, que vous compreniez bien qu'il y a cette idée en fait, de questionnement, d'inquiétude par rapport à l'avenir qui du coup se discute au présent en reconstituant le passé. Et quand même, malgré tout, alors c'est pas parce qu'il n'y a pas d'avenir qu'il ne faut plus rien faire. Et donc il y a aussi, paradoxalement, ce discours-là en reconstitution, de dire mais il y a forcément un avenir puisqu'on est dans une logique de transmission. Je vous ai dit, l'une des motivations, c'est aussi la transmission. Et si on transmet, c'est aussi aux générations futures. Et si on veut transmettre, il faut qu'il y ait un avenir, parce que sinon on arrête tout de suite et on ne fait plus rien. Et donc il y a cette idée donc, d'une transmission intergénérationnelle et cette idée de penser finalement le loisir pour les autres, pour les enfants. Donc on voit plus en plus, là, enfin de plus en plus, c'est aussi parce que dans une perspective un petit peu diachronique, on voit, j'ai vu les évolutions depuis 10-12 ans, et de dire, ben voilà, les reconstituteurs viennent maintenant avec leurs enfants, avec leurs jeunes enfants, leur apprendre aussi ce qu'est la reconstitution, etc. Donc il y a cette volonté aussi de partager un idéal, de dire, ben voilà, le Moyen-Âge c'était ça, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les films, c'est aussi humaniser le passé, le rendre concret grâce aux recréations corporelles. Donc les enfants apprennent les savoir-faire, apprennent l'artisanat, apprennent à se comporter en reconstitution, etc. etc. Et pour certains, ça devient tellement normal qu'en fait, bah, quand ils sont à l'école, on leur demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait ce week-end ?»« Non, mais moi, j'ai absolument rien fait ce week-end. » Et en fait, le petit garçon était sur un camp de reconstitution 13e tout le week-end, mais pour lui, c'était parfaitement normal. Il ne voyait pas ce qu'il y avait de fabuleux là-dedans. Voilà. Donc il y a cette idée que le futur, si vous voulez, c'est un temps qui comprend aussi l'imaginaire d'un idéal à bâtir, finalement. On peut faire de l'histoire autrement, on peut avoir ce loisir-là, etc. etc. Et il y a toujours une dimension créative qui accompagne ça. Ah ben oui, voilà, c'est bon. Et donc, pour terminer, en fait, ce que ça nous dit, cette imbrication des temps, ça nous montre finalement que, autant linéaire et dominant, quand même, de nos sociétés contemporaines, on voit apparaître ce qu'on a appelé une achronie. Donc, achronie, c'est hors du temps, sans temps, achronie, achronos, le temps. Donc, c'est une temporalité hors du temps. Donc, évidemment, ce sont des conceptions du temps, hein. C'est pas le temps physique, je vous ai dit, il continue de passer, hein. ça change rien, mais on n'a encore pas inventé la machine à voyager dans le temps non plus. Mais il y a cette idée que ces imaginaires du temps permettent de penser la temporalité de la reconstitution sous forme de bulles, entre guillemets, un petit peu éphémères, qui viennent s'ajouter au modèle dominant du chronos, en fait, du temps qui passe. Et donc c'est une temporalité qui est éphémère, mais dans laquelle on enchasse finalement en même temps passé, présent et futur. Donc, voilà ce que je vous ai montré sur le rapport au passé, prochain, lointain, le futur idéal, mais en même temps un petit peu inquiétant, et le présent festif. Et donc, pour conclure, autant historique, ludique et enfantin, répond finalement le temps festif de la reconstitution qui favorise le voyage au Moyen-Âge. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas uniquement le temps du passé qui est expérimenté à travers le jeu et la fête au présent, c'est aussi celui de l'avenir. Et donc on a une temporalité qui est propre à la reconstitution, qu'on peut qualifier de temporalité polychrone, donc chronos le temps, donc plusieurs temps, une temporalité polychrone qui permet finalement d'avoir une expérience sensible de l'histoire, sensible et corporelle, donc de vivre l'histoire au présent. Donc évidemment ce loisir demeure inscrit dans le champ du temps libre, hein, puisqu'on parle de temps, c'est pas le temps de travail, même si je vous ai dit on a quelques professionnels, mais c'est pas tout à fait pareil. On est dans le champ du temps libre et ça permet aussi de soulever des questionnements contemporains. Donc c'est ce que je vous expliquais sur les questions écologiques, les questions sur la mixité en reconstitution, qu'est-ce qu'on fait quand on est une femme, est-ce qu'on peut combattre ou pas, etc. Donc on voit qu'on est bien sur un loisir du temps présent qui s'appuie sur le passé finalement pour penser aussi l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, en fait, je voudrais... Bonjour. Je voudrais parler, en fait, de la reconstitution au niveau de l'architecture. Oui. En fait, un exemple, Carcassonne, Viollet-le-Duc, bon, c'était assez détruit, tout ça, il a reconstitué, mais d'une largesse un petit peu... c'était inventif, oui. En fait, ce qu'il a fait. Les documents, je ne sais pas s'il en a eu. Bon, on s'est demandé à l'époque, au niveau des toits, si les tours avaient des toits. Donc je voudrais savoir maintenant, en fait, est-ce que maintenant on ferait la même chose? Est-ce qu'on permettrait de faire ceci? Bon, il y a Notre-Dame aussi, hein, qui l'a fait aussi. Il y a beaucoup de monuments. Il s'est permis de faire un petit peu n'importe quoi. Il y a sa façon. Hein. Voilà. Alors, merci pour cette question. Alors, je ne sais pas si je suis la plus compétente pour répondre sur les bâtis, parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai étudié. Par contre, ce sur quoi je peux répondre, c'est sur les parcs archéologiques, et notamment les parcs archéologiques qui vont reconstituer des bâtiments qui ont complètement disparu, donc sur, par exemple, le haut Moyen-Âge, 5e, 6e, 7e siècle, où en fait, ce qu'on retrouve des sources archéologiques, ce sont finalement les trous dans le sol, les trous de poteaux pour les maisons, et on n'a plus que ça, quasiment. Et quelques autres éléments, un petit peu des traces d'endroits où il y avait des déchets, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les reconstituteurs essaient de travailler quand ils font des parcs archéologiques, avec des archéologues, évidemment. Mais après, c'est de l'interprétation, c'est-à-dire que là, on a les trous de poteaux, et après, est-ce qu'il y avait un étage, pas d'étage, en fait, on n'en sait rien. Donc, ce qu'on voit sur les parcs archéologiques, c'est que souvent, ils vont mettre des étages, parce que c'est pratique, ça permet de stocker du matériel, ça permet de faire dormir des gens, etc., etc. Mais historiquement parlant, en fait, on n'en sait rien du tout. Donc on est sur de l'interprétation. Voilà. Est-ce que c'est pas parce que quand on fait des plans là, après, il y a des évaluations, on fait au niveau des plans, donc on peut savoir au niveau de la hauteur du bâtiment? Oui, on connaît à la hauteur du bâtiment, mais on ne sait pas du coup s'il y avait un étage ou pas. Est-ce que c'est un étage pour stocker des choses? Est-ce que c'est un étage pour faire dormir des gens? Comment c'était aménagé à l'intérieur? En fait, on n'en sait rien du tout. Pour cette présentation. Tu as parlé du temps justement de loisirs et tu disais qu'il y a le cas effectivement, alors très ponctuel sur vraiment très peu de personnes qui sont des artisans, etc., qui vivent de ce travail. Est-ce que, alors pas forcément dans des entretiens méthodiques, mais est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger un peu avec ces gens-là et de savoir est-ce que eux, ils étaient reconstituteurs et ils sont devenus artisans, ou est-ce que dans l'autre sens, ils ont trouvé, par exemple, la reconstitution, un prétexte faire leur art? Alors, je pense que tu as un peu les deux, c'est-à-dire que tu as des artisans qui, je pense à des artisans verriers notamment que j'avais rencontrés, qui eux étaient professionnels du verre et qui un jour se sont dit mais ce serait sympa, on a envie de faire des objets historiques. Et qui du coup se sont mis à faire des objets historiques et qui ont investi ensuite le marché, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un marché, hein, le marché de la reconstitution. Après, ils sont pas, que je sache, ils sont pas vraiment devenus reconstituteurs, mais ensuite ils étaient là sur des événements, ils avaient fait des costumes, etc. Et à l'inverse, tu as beaucoup d'artisans ou d'artistes du spectacle qui étaient reconstituteurs et qui ont voulu en fait en vivre, c'est-à-dire prolonger ce temps de la reconstitution au quotidien, sauf qu'on se rend compte qu'en fait finalement ça change, vu qu'on n'est plus dans un temps de loisir. Le discours aussi change, mais c'est normal, c'est parce que du coup c'est devenu leur métier, donc il faut trouver des contrats, etc. Pour manger, c'est pas pareil que tiens, on va en week-end se balader un petit coup, quoi. Donc, mais il y a les deux, je saurais pas dire s'il y a plus de l'un ou l'autre. Moi j'ai rencontré les deux, après c'est pas exactement les mêmes discours après qui ressortent, quoi. De remercier encore une fois Robert pour son intervention. Merci pour votre présence. Oui, alors en fait, là je pense à Guadelon, le château qui n'existe pas. Donc ils ont fait des études récemment justement à propos des fenêtres. Si les châteaux forts avaient des fenêtres. Bon, alors est-ce que c'est la vérité, parce qu'ils ont essayé de chercher ailleurs, mais en fait il y aurait eu qui aurait couvert les fenêtres. Donc, est-ce que c'est vraiment une réalité? En fait, on cherche toujours au niveau de la reconstitution quelque chose. Donc ça peut remettre en question certaines. Alors pour Guédon, je suis désolée, mais je ne sais pas en fait s'il y avait des fenêtres ou pas. Par contre, effectivement, c'est toujours la reconstitution. C'est un peu comme. C'est un peu comme le monde de la recherche, c'est-à-dire que c'est sans arrêt remis en question, justement parce que ça s'appuie sur les traces du passé et sur les découvertes historiques, archéologiques, etc. Donc on voit aussi qu'on a des changements dans la reconstitution, et la reconstitution d'aujourd'hui n'a rien à voir, globalement, avec celle d'il y a 20 ou 30 ans, parce que le loisir s'est aussi ouvert, c'est plus facile, notamment avec l'arrivée d'Internet, etc., d'avoir des échanges que bah, avant c'était plus compliqué. Donc les informations vont plus vite. Donc on voit que c'est aussi un loisir qui se transforme et qui devient peut-être aussi... Enfin, en tout cas, c'est plus facile d'avoir des informations et de faire moins d'erreurs, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, mais moins d'erreurs historiques. Et on voit que la reconstitution évolue. Et il y a notamment sur le cas du haut Moyen-Âge, il y a encore une dizaine d'années, on ne savait pas si les côtes pour les femmes étaient longues ou courtes, ou si elles s'arrêtaient aux genoux, ou si elles descendaient jusqu'aux pieds, parce que dans les traces archéologiques, on avait des fibules au niveau des... En gros, qui correspondaient à des bas, quoi. Et l'interprétation qui avait été faite, c'est-à-dire que bah, c'est des jolies fibules, on devait sans doute les voir. Donc les côtes étaient courtes. Sauf qu'en fait, les travaux des historiens et des archéologues montrent que bah, les côtes pour les femmes étaient longues avant, elles étaient longues après. Il n'y a absolument aucune raison qu'elles aient rétréci entre le 5e et le 7e siècle. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a des jolis bijoux que forcément on les montre. C'est comme aujourd'hui, on peut avoir des jolis sous-vêtements, ce n'est pas pour autant qu'on va les montrer. Et donc il y a cette idée-là que la reconstitution, elle change en fait, elle évolue en fonction des découvertes des historiens et des archéologues. Merci Audrey. Du coup, tu as fait la majorité de tes enquêtes sur une période particulière. Est-ce que tu as étendu tes recherches à d'autres périodes historiques? Et est-ce qu'on pourrait imaginer retrouver les mêmes mécanismes? Est-ce qu'on est sur les mêmes profils sociologiques de reconstituteurs? Alors oui, je n'ai pas précisé en méthodo. Donc mon terrain, c'est français, un peu suisse, un peu belge, donc la reconstitution francophone et médiévale. Donc c'est quand même médiéval, c'est quand même j'ai des terrains qui vont de la reconstitution du haut Moyen Âge jusqu'au 15e siècle, aussi des multi-époques. Donc pour te répondre, je pense que déjà sur les 1000 ans que représente le Moyen Âge, on va retrouver des communautés dans la reconstitution. Tu vas voir ceux qui font du Viking, ceux qui font du 15e, donc les 15e-istes, les 13e-istes, les mérovingiens, les carolingiens, etc., etc. Donc il y a qui se retrouvent pas si souvent que ça en fait, à part sur des multi-époques ou des choses un peu plus larges, le Moyen Âge, voilà. Et puis après, bah, y a de la reconstitution de la préhistoire jusqu'à la Deuxième Guerre. Et alors, d'un point de vue sociologique, moi, je n'ai pas travaillé sur ces autres époques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pour en avoir vu sur des multi-époques, c'est qu'on n'est pas forcément ni sur les mêmes motivations, ni sur les mêmes profils sociologiques. Par exemple, sur la reconstitution de la Deuxième Guerre, ou même la reconstitution antique, on a beaucoup, beaucoup plus de militaires, de reconstitution militaire, qu'en reconstitution médiévale. En fait, les napoléoniens aussi, ce n'est quasi que du militaire. Alors, il y a quelques événements avec de la vie quotidienne, mais globalement, donc, ça veut dire aussi que comme on est sur des reconstitutions beaucoup plus militaires, on a aussi beaucoup plus d'hommes, ou beaucoup moins de femmes, c'est selon dans quel sens on le prend. Et alors après, j'ai pas d'entretien avec les reconstituteurs des autres périodes, mais sur la Deuxième Guerre aussi, ce qu'on voit assez facilement, c'est qu'on est, il me semble, pas sur les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, est-ce qu'on est vraiment sur de la reconstitution alors que les objets ne sont pas des reconstitutions, ce sont des objets d'époque. Donc on est plus aussi sur des profils peut-être de collectionneurs ou autres que de... Enfin voilà, ça pose tout un tas de questions. J'ai pas vraiment de réponse, c'est des constats faits un peu comme ça, mais... En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que sur le Moyen-Âge, on a cette dimension vie quotidienne, artisanale, qui est beaucoup, beaucoup moins présente sur les autres périodes. Moi, j'avais une question. toujours sur la question du corpus, tu as procédé comment pour faire la sélection des personnes avec qui tu as eu des entretiens? Tu as fait un recensement global et après, tu as fonctionné. Enfin, voilà, quels étaient tes critères? Alors, moi, je n'ai pas fait de recensement global. Par contre, j'ai un collègue qui a fait sa thèse en archéologie sur la reconstitution et qui, lui, a fait un recensement de toutes les associations de reconstitution en France. Voilà, lui, il l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'ai commencé ce travail-là, en fait, en 2009. Et quand j'ai commencé en 2009, bah, c'était... il n'y avait pas forcément... Donc, moi, j'ai fait le choix, déjà, de dire bah, je veux voir de l'intérieur. Parce que si on est du côté du public, on n'a pas le même discours que quand on fait partie de la communauté des pratiquants. Donc moi, l'idée, c'était aussi d'aller, parce que j'étais reconstitutrice aussi avant, hein, faut quand même le rappeler, c'était d'aller sur les événements et de multiplier les types d'événements. Donc j'ai fait des événements ouverts au public, des événements off. Donc les événements off, c'est ceux qui sont fermés au public, dans lesquels les reconstituteurs se retrouvent pour s'échanger des savoir-faire, faire la fête, etc., etc. Et puis aussi des multi-époques. Et puis après, essayer d'aller voir ce qui se passait un petit peu en Suisse, un petit peu en Belgique sur des événements. Et donc en fait, c'est un peu un cheminement très ethnographique, c'est-à-dire que j'ai suivi les terrains, là où on était un peu invité, de fil en aiguille, qui est-ce qu'on connaissait, etc., etc. Et donc j'ai ensuite fait une grosse partie de mes terrains dans un parc archéologique dans le nord de la France, où là, en fait, c'était un parc archéologique qui était réputé pour être, il y a quelques années, pour être the place to be dans la reconstitution. Il y avait aussi, là, j'avais mis une photo du marché de l'histoire. Enfin, voilà, il y avait des lieux, en fait, sur lesquels les reconstituteurs venaient parce que ces lieux-là étaient considérés comme les hauts lieux de la reconstitution. Et donc, j'ai aussi, là, rencontré les reconstituteurs, interrogé les reconstituteurs sur les lieux. En fait, je suis partie des lieux. Pour répondre plus clairement à la question, c'est les lieux, et d'après les lieux, j'ai fait des entretiens. Avec ceux qui voulaient bien, et après, il y avait des questionnaires que j'avais diffusés aussi, qui donnent la dimension quantitative de l'enquête. Le fait que quand on fait un week-end de reconstitution, on cache les voitures, on cache les téléphones, mais il y a des quand même. Alors, au-delà des objets, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels plus facilement les reconstituteurs vont dire là on sait que c'est pas historique, on sait que c'est anachronique, on sait que c'est une erreur entre guillemets, mais voilà, on fait un compromis pour des raisons pratiques ou affectives, ou il y a des éléments comme ça plus marquants? Exactement. Mais du coup, faut trouver des contenants dans lesquels on peut mettre une éco-cup de 25 centilitres. Comme ça, on ne voit pas l'éco-cup. Non, alors comme ça, spontanément, j'aurais répondu les lunettes, les chiens et les chaussures pour les enfants. tout ce qui tourne autour du confort quotidien, les lunettes, c'est difficile. Il y en a qui font reconstituer des lunettes. Mais déjà, il y a des périodes pour lesquelles on n'a pas de lunettes, déjà, de base. Donc ça règle le problème. Donc il y en a qui passent aux lentilles, mais enfin, c'est quand même compliqué. Tout ce qui tourne autour de la santé, je dirais. Les chiens, parce que, les chiens, les animaux, en fait. Les chiens ne sont pas d'époque. Et pourtant, les reconstituteurs viennent avec leurs chiens parce qu'ils viennent en famille. Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi beaucoup un loisir familial, hein, parce que ça prend du temps, ça prend de la place, quand il faut stocker tout le matériel. Donc, c'est quand même un choix aussi familial et un peu d'argent quand même. Et donc voilà, les chiens, au sens, c'est on se déplace avec la famille, et les chaussures pour les enfants, parce que les parents souvent disent non, mais les enfants, il faut faire des chaussures tous les ans, et les chaussures, c'est pas le plus facile à faire. Et donc, du coup, souvent, les enfants, en fait, ils ont des petites sandales ou ils sont pieds nus parce que c'est assez fastidieux, en fait, à refaire. Donc, il y a des objets comme ça sur le soin, sur le rapport avec les enfants, etc., où c'est plus. Il y a des consensus. Alors, après, la cigarette, quand le public est parti. Plus de questions? Si, j'en ai une, mais je ne sais pas du tout si tu as travaillé dessus. Quelle différence principale, du coup, sur le rendu, tu observes quand on passe du côté des professionnels? Alors que ce soit professionnel qui tourne, ou que ce soit professionnel attaché à des lieux, c'est peut-être encore un peu différent. Est-ce qu'on passe carrément vraiment dans le spectacle, ou est-ce que c'est un espèce d'entre-deux? C'est-à-dire que c'est pas forcément la reconstitution, mais c'est pas forcément non plus exactement du théâtre. Alors je dirais qu'il y a les deux. Il y a des professionnels, je pense à certains artisans dans ce métier, qui en fait ils ont juste une cote, notamment des potiers par exemple, ils ont une cote. Et puis, de toute façon, elle est pleine de terre, parce que la poterie, on s'en met partout, et que du coup, il met la même cote, quelle que soit la période sur laquelle il est. Donc le costume, en fait, n'est pas un élément finalement fidèle, entre guillemets, à la période reconstituée. C'est une cote de base, et voilà, et ça passe pour toutes les époques. Et à l'inverse, tu vas avoir des professionnels qui vont faire du spectacle historique. Alors, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns. Il y a notamment la compagnie Eutrapelia, qui est vosgienne d'ailleurs. Et eux, ils attachent une importance très grande au costume, parce que c'est eux, ils font des scénettes, par exemple, historiques des fabliaux médiévaux. Et donc, pour eux, évidemment, le costume fait partie, on reconstitue un fabliau du Moyen-Âge. Donc, il faut que le costume aille avec le reste du discours. Donc là, t'as vraiment les deux extrêmes inverses. Donc, je pense que ça dépend vraiment du type de professionnel, des lieux sur lesquels ils se produisent, et aussi l'objectif, finalement. Parce que quand tu regardes un potier, les gens, ils viennent voir le potier, ils viennent voir les techniques, ils viennent voir les savoir-faire. C'est un peu comme dans les AMHE, en fait. Il n'y a pas besoin du costume, parce que ce qui est important, c'est le geste plus que ce qui est représenté. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Maintenant, on va pouvoir la remercier. Actu SF. Les podcasts.